Unité 3, entraînement au DELF A1. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Situation 0. Oh, regarde! Une semaine d'escalade dans les Alpes. Ça te dit? Ouais, génial!